Et ça continue. Ouais. Ça c'est le rap, t'as les vrais, yeah. Et ça fait. Ouais, écoute bien, enfant. Yeah. Ça c'est le rap, t'as les vrais. Dites-leur de Bims, Nartu, bébé. Achète dans ce rap, je suis venu pour tout, kéké. C'est la haise qui veulent sous-traiter. Non, le nom de ma thèse n'est pas sous-titré. Passe le double des clés où mes frères te blessent dans la cour du paix. Éloigne ces fakes à court d'idées qui veulent chalouper. À force de prendre de l'âge, on se permettait. Image permettait, femme nudité, impunité. J'étais seul à rapper. J'entends des chants d'été qui poussent à forniquer. Ma rage créditée, mon âme s'endettait. S'embêter, je te parle avec fermeté. Message. Cœur percuté, mon maître m'a tant gâté. Face au fait que je combattais, ce monde d'ici pas déconnecté. Regarde vers les sages, leur dignité. Hey, qui savent pourquoi il faut militer, hein? Alors, qu'est-ce que tu parles?